Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Après les ouvriers de l'usine Renault de Sandouville, c'était les employés de la Thomson de Levallois-Perret que rencontraient en 1979 Antoine Speer et Georges Bonopéra pour le deuxième volet de l'enquête sur la lecture des Français qu'ils menaient pour les nuits magnétiques. Un quart des 2200 employés de cette usine étaient alors inscrits à la bibliothèque du comité d'entreprise. Des hommes, des femmes, ouvriers, techniciens, cadres, dans cette fin des années 70, ils témoignaient de ce qu'était leur pratique de la lecture, de ce qu'ils y cherchaient, de ce qu'ils y trouvaient, mais aussi de ce qu'étaient très souvent pour des travailleurs les contraintes, les barrières parfois très concrètes et parfois intériorisées depuis longtemps, qui les tenaient à distance des livres et de la lecture. Nuit magnétique, lecture volée, deuxième et dernière partie, une émission diffusée la première fois le 29 mai 1979, réalisation Mehdi Eladj. Nuit magnétique. Bonsoir. Si on prend l'émission qui va passer la France Culture, ne serait-ce déjà que l'heure tardive à laquelle elle va passer, c'est déjà une censure. C'est bien, c'est une émission qui va être faite, mais c'est déjà une censure. Et je crois qu'il faut prendre tout ça en compte. Hier soir, c'était Renault Sandouville. Ces OS qui nous ont frappés par leur extraordinaire richesse de lecture, pour ceux qui lisent bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes à la Thomson à Levallois. 2200 travailleurs, avec une majorité d'ouvriers professionnels, de techniciens, de cadres. En 1977, il y avait 300 inscrits à la bibliothèque, soit 12% des travailleurs. Il y en a près de 600 aujourd'hui, soit 25%. Chiffre considérable qui prouve qu'une intense activité en faveur de la lecture peut parfois combler les pires obstacles. Et pourtant, on vit comme ailleurs à la Thomson. Fraser, je rebookine les photos là. J'aime bien tout ce qui est appareil photo, alors je regarde. Je pensais pas avant qu'on ait le droit de bookiner les bouquins. Vu mon métier, j'ai pas le temps tellement de m'élargir, alors il faut lire. C'est pas en étant devant une machine que j'arriverai à m'évoluer. Si vous voulez mon appui personnel, j'aime pas ce que je fais. Devant ma machine jusqu'à la retraite. J'avais des idées sur la fatigue, je me demandais, bon, il y a la fatigue corporelle, il y a la fatigue psychique. Moi, étant donné que je suis bien portant, ce qui m'intéressait plutôt, c'était l'aspect psychique. Je suis taulier P1 depuis 8 ans. Moi, je lis des bandes dessinées pour me distraire un peu, parce que vous savez, en usine, c'est un peu monotone. Alors... Sans ça, je lis pas mal de romans, tout ça. Là, pour l'instant, j'ai reçu, ça vient de sortir, c'est Atlas Mondial. C'est sur les... carte géographique et tout ça. Il n'y a que chez moi que je peux lire un peu. Et puis je suis célibataire, bon bah. En plus, il y a le ménage, il y a tout à faire. Hein. Évoluer, m'élargir, s'élargir, n'est-ce pas au fond la finalité de toute activité culturelle? Cette culture qui permet à la vie d'acquérir cette dimension dont un travail sans perspective vous prive. Depuis 23 ans, jusqu'à la retraite devant une machine. Terrible distance du temps. Mais cet élargissement nécessite des guides. Les guides, ce sont parfois les clubs qui choisissent à la place du lecteur le livre conditionné qui s'est bien vendu et qui aura du succès. C'est aussi d'autres guides. Pivot, qui nous parlait hier, n'est-il pas lui aussi une sorte de guide? Il nous a dit hier qu'il savait que c'était là d'ailleurs l'une de ses responsabilités essentielles. Je suis ouvrière P2. Je venais me renseigner, voir s'il y avait des livres sur la philatélie, parce que je vais être prochainement à la retraite et je voudrais occuper mes loisirs en une collection de timbres pour ma petite fille. Alors je venais voir s'il y avait des renseignements sur un livre. Enfin. C'est-à-dire que je suis souvent dans l'émission Apostrophe à la télé et... J'ai même suggéré ici qu'on achète certains livres. Voilà. J'écoute d'abord, et puis après, si le sujet m'intéresse, je viens voir si je le trouve ici. Est-ce que vous avez un exemple de livre, par exemple, qu'Apostrophe vous a fait lire? Oui, La soupe aux herbes sauvages. Très bien. C'est-à-dire très bien, et je l'ai même fait lire autour de moi. Quand on lit un titre, ça ne donne pas grand-chose, tandis que quand on analyse un peu le livre... On voit le sujet, alors on sait si ça intéresse ou pas. Ça m'a évoqué un peu la vie de mes parents. Enfin, je me suis revue plus jeune. Et ça fait combien de temps que vous êtes ouvrière, madame? Oh, bah depuis l'âge de 14 ans. Et j'en ai 59, vous voyez. Maintenant, je suis veuve et la télé, bon, bah, si le sujet m'intéresse pas, je préfère m'allonger et prendre un livre. Moi, j'aurais aimé lire aussi avant si j'avais eu le temps. Il y a beaucoup de choses que, enfin, si j'avais lu progressivement, que je saurais maintenant. J'aime bien les biographies, les choses comme ça. Et pourquoi? Et puis, ce qu'a trait à la province, tout ça, je sais pas, parce que j'aime la campagne, parce que j'ai des souches paysannes, peut-être. Vous voyez, toute ma vie, j'ai été enfermée dans ce béton, dans tout ça, alors... J'aime pas prendre un livre qui se passe en ville. Je choisis toujours mes livres pour qui me rappellent un peu la campagne, qui me changent de mon environnement. Une soupe aux herbes sauvages. Je fus enfin nommée institutrice à Val-des-Prés en 1945 et j'y suis restée jusqu'à ce que j'en prenne ma retraite en 1962. Pour moi, c'était l'aboutissement de tout ce que j'avais rêvé depuis que j'étais petite fille. Faire la classe aux enfants de mon village, je ne pouvais souhaiter rien de mieux. Apprendre aux gosses à lire et à écrire est une chose. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. J'avais toujours eu de l'école, de son rôle et de celui du maître une idée plus élevée. À mes yeux, c'est à l'école communale que les enfants prennent la mesure du monde et de la société. Après, quel que soit leur métier, leur orientation, c'est trop tard. Le pli est pris. S'il est bon, tant mieux, mais s'il est mauvais, il n'y a plus rien à faire. Dans un pays arriéré comme ici, avec la vie que j'avais eue, ce qui me paraissait essentiel, c'était de leur ouvrir l'esprit à la vie. C'est-à-dire de faire éclater les barrières dans lesquelles ils étaient enfermés. De leur faire comprendre que la terre est ronde, infinie et diverse, et que chaque individu, qu'il soit blanc, noir ou jaune, a le droit et le devoir de penser et de décider par lui-même. La lecture choisie fait écho aux propos tenus. L'école aurait pu être une occasion. Elle s'est éloignée. Cette femme aurait aimé. Terrible passé. Terrible passé qu'on ne peut refaire. Gâchis. Et aujourd'hui, il est peut-être un peu tard. Un peu tard pour utiliser l'acquis scolaire et choisir. Les choix de livres sont de toute façon le reflet d'une mode de l'édition, où les titres ont été sélectionnés. 98% des nouveautés ne voient pas le jour sous forme de livres. 2% seulement deviennent des objets, ces livres qui nous entourent. Et ce sont quelques-uns d'entre eux qui vont trôner dans la bibliothèque d'entreprise, comme dans n'importe quelle librairie. Mais comment travaille la bibliothécaire? Qui choisit les livres? La sélection des livres est faite par moi, par la commission lecture. La commission lecture est constituée par plusieurs personnes qui représentent les travailleurs dans l'entreprise et par les lecteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de proposer des acquisitions et c'est jugé ensuite par la commission lecture qui approuve en grande partie tout ce qu'on propose. Notre limite, c'est le budget. Pour 79, il est de 46 600 francs. Alors évidemment, ça nous... Ça représente combien de livres à peu près ? 600 livres par an. 600 livres par an sont achetés par la bibliothèque. Il y a à peu près 20 000 titres qui sortent chaque année, donc vous n'en achetez que 600. Mais dans ces 600, est-ce que c'est 600 nouveautés ou c'est 600 livres sortis du fonds aussi ? Non, les deux sont représentés. La bibliothèque a un fonds encyclopédique, donc le secteur classique est représenté et renouvelé ou acquéri quand il le faut. Et dans une proportion qui est plus grande pour les nouveautés, bien sûr, pour les romans, et ce qui correspond à ce qui sort actuellement dans les librairies. Et quel est le genre de livre qui est le plus demandé ? Les romans, les dernières nouveautés dans le domaine des romans. Ensuite, après les romans, les livres de sciences sociales, les livres liés à la vie actuelle, avec les problèmes politiques quotidiens. Ensuite, les livres d'histoire et de géographie. Et puis une grande vogue pour les bandes dessinées et la science-fiction. Avec le roman, on se transporte dans la fiction. La fiction qui se dit, l'histoire qu'on lit, qu'on se raconte sans trop de difficultés. L'effort est noyé sous le plaisir qui parfois vous envahit. Avec l'essai, de nouveau la volonté reprend le dessus. Il faut lire, comprendre. Cette aspiration à comprendre le monde, pour contribuer à le changer. Qu'est-ce que vous faites, en tant que bibliothécaire, vous, pour favoriser cette initiation à la lecture et la pratique de la lecture par un plus grand nombre de travailleurs ou travailleuses ? Bien, la bibliothécaire et la commission lecture, puisqu'on fait un travail collectif, essayons de multiplier les animations pour rendre la bibliothèque vivante, pour multiplier les pôles d'intérêt au sein de la bibliothèque, c'est très important, et de casser le mythe de la bibliothèque lieu austère, lieu privilégié, réservé à une élite, et de conduire les gens petit à petit à prendre ce chemin, et que ça soit un lieu agréable. Bon, alors pour cela, on organise des expositions accessibles à tout le monde, qui correspondent à différents sujets comme la presse, le livre, l'édition, les problèmes de l'énergie. Ensuite, on essaye d'avoir un contact très étroit avec les lecteurs en allant à leur devant, c'est-à-dire en multipliant des points de rencontre dans l'entreprise par des décentralisations, c'est-à-dire qu'on propose une fois par mois ou deux fois par mois une exposition de livres dans l'entreprise elle-même. Et il y a aussi le fait que le bibliothécaire a eu une idée, je pense, intéressante, c'est de mettre une machine à café qui fait que les gens peuvent allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire lire un livre en buvant leur café, ce qu'on ne peut pas faire au café à côté. Donc on fait quelque chose d'intéressant. Mais alors, vous allez au pied des chênes avec beaucoup de livres, en emmenant des livres avec vous. Comment est-ce que vous arrivez à sortir de votre bibliothèque un suffisamment grand nombre de livres pour satisfaire toute la demande ? Bien, on sort un petit nombre, hein. C'est un nombre restreint sur un thème. Par exemple, on a choisi un thème sur le monde arabe, sur la femme, sur le sport, la musique. Et on va avec des tréteaux et puis une table, c'est très simple. Et avec une sélection de livres que possède la bibliothèque, proposer aux gens un aspect des livres qu'ils peuvent trouver à la bibliothèque, en leur prêtant tout de suite dans les mêmes conditions que celles qu'ils trouveraient à la bibliothèque. Est-ce que ces efforts sont encouragés par la direction ? En principe, pas tellement, puisqu'on devrait demander l'autorisation au préalable pour avoir l'accord de s'installer et qu'on n'a pas le droit de se mettre n'importe où. Ceci dit, on le fait quand même et devant le succès, devant l'intérêt des travailleurs, la direction ne peut pas tellement s'opposer à cela. C'est un succès d'autant plus qu'à chaque fois que la bibliothèque se décentralise, elle fait, disons, 5 à 6 adhérents nouveaux. C'est là que prend place la bataille du livre. Gagner des lecteurs. Activité des professionnels qui souhaitent acquérir la compétence technique qui leur permette non seulement de gérer, mais aussi d'attirer à la lecture, de motiver. Activité des syndicalistes pour qui le livre est un outil indispensable, outil de découverte de la réalité. Et donc bataille pour les crédits. Bataille pour que le patronat consacre 3% de la masse salariale au budget du comité d'entreprise. Et dans cette masse, bataille encore pour investir dans le fonctionnement de la bibliothèque, l'achat de livres, et ne pas se cantonner à convertir cet argent seulement en dur, en lieu de vacances, en arbre de Noël, mais aussi en livres et en animation autour du livre. Mais la direction, que fait-elle dans cette bataille ? Laissons la place à Monsieur Le Flers, directeur de la Thomson. Je vais être très honnête en ce sens que je ne m'occupe pas moi-même de la bibliothèque. Je suis président du comité d'établissement de Levallois et en tant que tel, j'ai tous les mois une réunion qui dure une demi-journée où nous faisons la pointe de l'activité industrielle, des questions sociales et de tout ce qui tourne autour. Et en particulier, je suis personnellement les questions budgétaires du comité d'établissement. Et en tant que tel, je suis au courant des dépenses qui sont faites pour différentes commissions, dont la commission sports et loisirs, et dans celle-ci pour la bibliothèque. Mais en dehors de cet aspect purement financier, je n'interviens pas dans l'activité de la bibliothèque. Les gens qui sont nommés, qui sont élus et responsables, gèrent la bibliothèque, choisissent les livres, font la propagande auprès du personnel pour assurer cette mission. Et je leur fais confiance. Alors seulement une ligne sur un bilan, ou est-ce que vous pensez que c'est une activité positive que vous souhaitez encourager ? C'est forcément une activité positive, en ce sens que je pense que dans la vie des des partenaires sociaux dans la division, dans la société est importante, et en particulier en ce qui concerne leur formation extra-professionnelle. Par conséquent, l'aide qu'on peut leur apporter par la bibliothèque est importante. Mais je pense que les gens sont majeurs, et par conséquent, ayant des moyens financiers, sont maîtres de choisir la forme qu'on donne à cette formation. Et vous-même, vous n'avez jamais eu l'idée d'aller vous-même vous rendre dans cette bibliothèque et éventuellement de voir quel genre de livre il y avait et si éventuellement il y en avait un qui pouvait vous intéresser? C'est une question insidieuse, elle est bien posée. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps jusqu'à présent de m'en occuper, malheureusement. Les ouvriers sont les plus difficiles à atteindre, d'abord parce que c'est les plus dépourvus sur le plan formation, et la lecture, c'est quelque chose de difficile pour eux. Ça, on le rencontre d'une façon constante dans nos rapports avec eux. Mais le lecteur qu'on voit le plus souvent, c'est le lecteur, disons, technicien. C'est un jeune de 25 à 30 ans qui a fini ses études il y a peu de temps, donc qui est encore familiarisé avec la lecture. Le technicien est-il donc favorisé? Est-il dans de meilleures conditions pour lire? Pourtant, le directeur de la Thomson à Levallois nous a dit qu'il courait lui aussi après le temps. Alors, le temps, obstacle identique pour tous, disons plutôt que la vie à l'usine, la passivité, l'absence de participation aux décisions, donne au temps une absence de qualité qu'il ne peut pas recouvrer par miracle la porte de l'entreprise franchie. Sans doute, un travail qui fait appel à la participation de celui qui l'effectue, un travail qui mobilise toutes les capacités intellectuelles, est-il prenant, astreignant, fatigant? Oui, absolument. D'ailleurs, il nous en parle comme pour s'excuser de ne pas nous prendre des livres, en nous expliquant qu'eux, ils n'auraient que ce désir, mais qu'ils sont fatigués ou qu'ils n'ont pas le temps ou que c'est trop impressionnant pour eux, cette lecture, ou qu'une fois arrivés chez eux, disons qu'ils cèdent à la tentation de se reposer plutôt que de se plonger dans un livre. Toujours la fatigue. Cette fatigue qui fait qu'il est plus facile de rester devant sa télévision, de laisser les images défiler. Mais télévision qui pourrait, plus qu'elle ne le fait aussi, favoriser la lecture. Avec ces dramatiques dont Bernard Pivot nous disait hier l'extraordinaire impact sur les lectures. Mais place maintenant aux syndicalistes. Pour en revenir à la commission bibliothèque, disons que notre vue, c'est justement, à travers les livres, d'essayer, enfin c'est peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais d'essayer d'éveiller la conscience des travailleurs et que la culture ne doit pas être l'affaire d'une certaine élite. Alors vous-même, qu'est-ce que vous lisez comme genre de livre? Bien, moi je suis, disons, un peu plus polarisé sur les livres des auteurs, disons, on peut dire anciens, et pas tellement sur les contemporains. Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup, d'une part. Et quand je dis les livres anciens, c'est surtout, à mon avis, au niveau du 18e et 19e siècle. Et parce que c'est, à mon avis, par là que toute l'évolution qui est faite jusqu'à ce jour est venue. Quand on prend, par exemple, les grands auteurs russes, et bien les grands auteurs russes ont été les précurseurs, disons, de la Révolution d'Octobre. Et si nous, on voit par exemple avec des hommes tels que Victor Hugo, Émile Zola, etc., on s'aperçoit que ça, à l'époque, cela posait certains problèmes et une certaine vision même au niveau de l'avenir. C'est vrai qu'actuellement, bon, il y a beaucoup de contemporains qui parlent de nos problèmes, c'est vrai. Mais à mon avis, quand on prend les œuvres d'Émile Zola, pour ne citer que lui, et puis Victor Hugo, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une transposition dans la vie, disons, en plus critique, en plus grande profondeur. Mais si vous voulez, on peut effectivement, au niveau du contemporain, il y en a un qui vont, je crois que malgré ses idées, on peut pas ils ont éludé son talent. C'est Aragon, par exemple. Lorsqu'on on lit, par exemple, les cloches de Bâle, les cloches de Bâle, c'était la guerre qui arrivait, quoi. Par exemple, c'est des exemples. Maintenant, évidemment, étant donné que, comme vous savez, que je suis donc un homme, disons, politique dans l'entreprise, je lis beaucoup aussi de livres politiques, ce qui, en contrepartie, font que je n'ai pas tout à fait le temps de lire ce que je voudrais. Et est-ce que vous avez le sentiment que les travailleurs lisent davantage aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans ? Ben, je pense oui, dans une certaine mesure. Il y a un certain engouement, puisqu'on voit qu'au niveau des éditeurs, les éditeurs se portent bien, c'est-à-dire donc ils vendent des livres. Mais par contre, avec le phénomène de télévision actuel, ça retire un petit peu aussi le côté, disons, de facilité. On va vers une certaine facilité avec l'audiovisuel. C'est-à-dire que les gens, par exemple, préfèrent regarder un film ou une pièce de théâtre plutôt que de prendre un livre. Alors ça, c'est une ambiguïté. Par contre, c'est vrai, nous, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit avec deux chiffres, par exemple, en 77, il y avait 300 personnes qui lisaient, et maintenant, il y en a 600. Alors, je crois qu'il y a une question de relative cause à effet, c'est-à-dire qu'il y a un certain travail qui doit être fait pour justement promouvoir cette lecture. Promouvoir la lecture ? Oui. Mais comment ? Et en partant d'où ? De quel livre ? De ce qui se publie ? Les éditeurs ne se portent pas si bien que cela. Eux aussi sont dans la crise. Eux aussi traversent mille et un problèmes, se voient absorbés, concentrés, victimes d'un processus d'inversion du rapport éditeur-diffuseur qui, progressivement, les prive de leur indépendance. Et l'édition produit pour survivre, mais aussi pour faire du profit. Elle produit ses livres boîtes de sardines, ses livres interchangeables, que M. Chotard, ancien président du Syndicat national de l'édition, présentait il y a 5 ans, au Congrès de l'Union internationale des éditeurs, au nom de la France. Il disait, il y a en sorte 2 types de livres, les livres pour lettrés, qu'on ira toujours chercher au fond des librairies, et puis ces livres boîtes de sardines, ces livres produits de beauté. À la limite, 200 pages blanches, avec une femme nue en couverture. Voilà les livres que l'édition française doit promouvoir. Ces choix, ces produits éditoriaux choisis, eux non plus, ne facilitent pas la lecture. On a vu l'aggravation de la crise, et aussi bien au niveau économique, au niveau, j'irais, psychologique, parce que par exemple actuellement avec le chômage qui sévit, eh bien, ça pose certains problèmes à certains travailleurs. L'avenir du lendemain n'est pas assuré, par exemple, ou du moins ils le pensent. Et il y a aussi le côté, disons, économique, parce qu'avec l'aggravation de cette crise que l'on laisse supporter uniquement, disons, je dirais moi, au monde du travail, qu'il soit intellectuel ou manuel, et les prix qui augmentent à vitesse vertigineuse, par exemple lorsqu'on sait qu'un livre, il faut compter au minimum 5 000 anciens francs pour acheter un livre, eh bien on regarde à deux fois. D'ailleurs au niveau des revues c'est pareil. Hein. Au niveau des revues, lorsqu'on sait que les journaux varient entre 1,50 francs et 2 francs quand c'est pas 3 francs, et les hebdomadaires aux alentours de 5 francs, eh bien certains reculent un petit peu. Et nous, on le voit même au niveau des militants, ça bloque certains militants pour acheter, par exemple, leur journal qui coûte, par exemple, 2 francs. Si on parle de l'humanité, l'humanité coûte 2 francs. Eh bien, c'est des blocages qu'il faut faire sauter, à mon avis. Et notamment, dernièrement, avec les nouvelles mesures sur les papeteries, bon, ben, on veut nous faire présenter ça sur une question d'indépendance économique, je ne sais pas, mais enfin, au niveau de la presse, par exemple, je crois qu'il y a aggravation. Aggravation ? Peut-être pas. Mais situation de crise, oui. Crise parce que le marché du livre est résolument trop étroit. Absence de temps, mais absence de moyens aussi. Absence d'argent, parce que malgré tout ce qui se dit au Syndicat national de l'édition, par exemple, et ailleurs, le livre reste cher. Certains éditeurs disent que le prix d'un livre est peu élevé comparativement au coût d'une soirée au restaurant ou au spectacle. Mais qui va aujourd'hui régulièrement au restaurant ou au spectacle, à la Thomson à Levallois? Alors le prix reste un obstacle, d'autant plus qu'il faut faire effort pour lire. Mais ce sont les raisons de lire qui manquent aussi. Tout à l'heure, vous parliez de la sécurité de l'emploi. Mais quand vous parliez de la sécurité de l'emploi, est-ce que ce n'est pas plus des problèmes d'angoisse, des problèmes de situation de chaque individu dans la société qui fait obstacle à la lecture que ces raisons matérielles qui, certes, existent, mais paraissent quand même relativement secondaires, non ? Non, moi, je pense que tous ces phénomènes sont liés. Si on prend, par exemple, l'école, eh bien, à l'école, on s'aperçoit que, d'une part, c'est la ségrégation dès le plus bas niveau, dès la maternelle, c'est-à-dire que tous les gosses n'ont pas leur chance. Et au niveau des contenus scolaires, c'est pareil, il y a une dégradation. D'ailleurs, on parle de Monsieur Giscard d'Estaing parle de SMIG du savoir, mais c'est vrai. Il faut par exemple comprendre qu'actuellement, l'application de la réforme ABI, qui se fait petit à petit, vu l'opposition qu'a menée cette réforme, eh bien, va pas dans le bon sens. Et d'ailleurs, on va vers une certaine élite. D'ailleurs. Qui est voulu, c'est-à-dire une armée d'OS ou de chômeurs, puis une certaine élite qui sera faite pour faire... Vous-même, vous avez des enfants ? Moi, oui, j'ai une enfant de 13 ans et qui... Vous lui ramenez des livres de la bibliothèque ? Non, parce que j'ai une bibliothèque, disons, assez fournie chez moi, et elle peut servir. Hein. Et notamment, on lui a fait aussi une bibliothèque, disons, spéciale, elle, vu son âge, c'est-à-dire que... Là aussi, disons que la culture doit être progressive, à mon avis, à ce niveau. Mais je pense que moi, j'ai une enfant, je travaille et ma femme travaille. Donc nous avons un certain revenu qui peut nous permettre de telles choses. Mais moi, où je me bats aussi, c'est que c'est cette ségrégation qui est faite, il faut qu'on lutte contre ça. Et ils ont, à mon avis, il faut changer de société. Et est-ce que vous consacrez du temps pour conseiller ou aider votre enfant dans le choix de ses lectures ? Ou bien est-ce que vous la laissez totalement disposer de son temps et de ses moyens pour choisir le livre de son choix ? Disons que c'est assez délicat parce que pour orienter au besoin une lecture, il faut déjà, à mon avis, avoir lu le livre. C'est pas toujours, disons, matériellement possible. Mais je lui donne quelques conseils, et notamment comment lire et interpréter un livre, et aussi, disons, se le mettre un peu en mémoire, parce que sinon, si on lit un livre et puis qu'on ne sait pas en retenir l'essence de ce livre, ça ne sert absolument à rien. Et non, je m'oriente plutôt vers le fait de lui donner le goût à la lecture. Et vous pensez avoir réussi ? Ben, je pense, parce que, enfin, en partie, puisque ma fille lit beaucoup, et... Ça se traduit pas toujours d'ailleurs au niveau des notes de grammaire, parce que. Mais si vous voulez, si je pense qu'effectivement il y a une certaine évolution. D'ailleurs, un enfant, bon bah, il faut le prendre aussi avec son âge. Il faut, à mon avis, se mettre toujours à son niveau, et c'est pas toujours facile. C'est-à-dire, faut faire un retour, à mon avis, sur soi-même. Traduire la lecture en notes de grammaire. Toujours cette valorisation de la lecture. Cette distance avec la culture qui en impose. Et puis, cette pudeur du militant syndical. Cette pudeur qui lui apprend à parler à la troisième personne, plus qu'à la première. À dire « nous » plutôt que « je ». Il faut s'y prendre dès le plus jeune âge. Les enfants sont déterminants. Il faut former une liberté. Mais prendre le temps de savoir ce que l'enfant lit, pour l'aider à assimiler. Et, pour assimiler, la discussion, l'échange est indispensable. Un livre récent de Mary Wynne, TV Drogue, parle de ces enfants américains qui passent plusieurs dizaines d'heures par semaine devant leur poste de télévision et en perdent même le goût de jouer. Parce qu'au fond, ils ne discutent pas. Ils ne discutent pas vraiment de ce qu'ils voient, et donc finalement ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient. Comprendre. Il n'est pas si évident de comprendre. Il n'est pas si évident de comprendre ce que l'on lit. Alors, je suis là depuis 5 ans. Et puis je travaille comme contrôleuse sur circuit imprimé. Je fais du contrôle électrique. Alors, je suis venue le lendemain que j'étais embauchée dans l'entreprise vers la bibliothèque. J'emprunte beaucoup de livres. J'étais petite à l'époque de 40, donc je me suis intéressée beaucoup aux choses de la résistance. Ça m'intéresse beaucoup l'histoire de cette époque-là. Et puis après, je lis des romans de femmes, de un peu toutes choses. Sur les femmes d'Afrique, sur les femmes de d'autres pays. Je viens de finir de lire, ça s'appelait, je crois, La parole est aux négresses. C'est un bouquin. Là. J'ai lu aussi un bouquin sur, comment elle s'appelle, je me trompe toujours, elle s'appelle Hortense Lafont, je crois, qui raconte des histoires de chantier, ce qui peut arriver, enfin, qui est la vie des femmes de chantier, sûrement. C'était aussi la femme d'aujourd'hui, je pense, les problèmes de la femme d'aujourd'hui. J'ai été un peu estomaquée par les histoires des femmes des négresses parce que je ne pensais plus qu'on pouvait faire des opérations comme on l'a pour en pratique. J'étais un peu suffoquée de voir qu'à l'époque qu'on est, il y avait encore ces choses-là. Je cherche à voir ce qui se passe autre part que chez nous. Je cherche que l'histoire, la vérité. J'ai peur toujours des romans parce que ce n'est pas toujours la vérité. Non, ça ne reflète pas toujours la vérité. Des fois, on n'a pas toujours envie de se casser la tête, mais enfin, disons que le soir, je lis à peu près une heure toujours. Et puis alors là, dans la journée, quand j'ai ma coupure de déjeuner, je lis des magazines syndicaux que je peux tomber dessus. Suffoqué par le monde. La réalité qui passe à travers les livres. Elle veut chercher la vérité, élucider la réalité pour savoir. Savoir pour avoir la vérité. Mais la vérité échappe toujours. On recherche la vérité pour être sûr, et les certitudes s'enfuient aussi vite qu'elles apparaissent. Cette recherche éperdue de la vérité, n'est-elle pas un peu notre affaire à tous ? mais la vérité, elle est aussi dans la fiction. Vous avez entre les mains la dentelière, pourquoi ? Parce que j'ai vu le film m'a plu et j'aime bien me replonger dans les atmosphères que j'ai aimées, dans les personnages qui m'ont intéressée, j'aime bien. Je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas le livre, et c'est pour ça que j'ai tenu à le lire, parce que ça m'avait plu. Qu'est-ce que vous faites à la Thomson ? Je suis dactylo. Parce que justement, un travail de dactylo n'est pas spécialement intéressant ou passionnant, et j'aime justement me changer des idées, voir autre chose, penser à autre chose en lisant. Et penser à quoi, par exemple ? Ben, c'est une... Prenons les derniers livres que vous avez lus. Qu'est-ce que vous avez lu récemment ? J'ai lu un livre de... C'était la Bill Baud. Je me souviens plus du nom de l'auteur. C'était un livre qui m'a beaucoup plu, justement, parce que ça m'a permis de m'évader. Ça parle de la campagne, d'une vie simple, rustique, une vie au grand air, avec des gens qui parlent de choses enfin, qui sont pour moi intéressantes, c'est-à-dire la nature, qui parle de chasse, qui parle de vie vraiment... simple, et ça m'a beaucoup intéressée. Ça m'a surtout changé les idées. Le matin, je dans le métro, dans le train, je me plongeais là-dedans, et c'était vraiment un autre univers, enfin une autre vie. C'est ça qui m'a plu, c'était vraiment un dépaysement. Ça me changeait complètement. Le matin, dans mon train, je voyais des gens avec des têtes tristes, avec des plus ou moins sombres, et puis ma banlieue qui est sale, qui est laide, et me plonger là-dedans, on me décrivait une campagne verte. J'avais presque l'impression de sentir cette odeur de mousse, de feuilles, lorsque je rentrais dans le métro, et c'est ça qui m'a plu. C'est tout une évasion, quoi. C'est vraiment... Comme ça, je ne voyais rien, je ne voyais pas les gens, je ne voyais pas le trajet. Le trajet va très très vite, alors que normalement, j'ai une heure, et ça passe très vite, quoi. C'est vraiment... J'aime bien me plonger dans un roman qui est très épais, très volumineux, même avec plusieurs volumes, justement pour connaître à fond les personnages. Un gros roman décrit vraiment même l'évolution d'un personnage, et c'est ça qui m'intéresse, de voir même à travers sa vie, ou même les romans qui dépeignent vraiment une époque qui est passée. Bon, j'aime bien Zola, parce que Zola montre vraiment la vie des ouvriers, il y a... une centaine d'années à peu près, et c'est vraiment des documentaires qui parlent d'une époque, d'une manière de vivre, d'une... Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Elle veut s'évader, elle veut se dépayser. Elle veut peut-être simplement changer d'air, remplacer l'air vicié du train par l'air de la Bill Baud. Alors le trajet passe vite. Mais le choix de la lecture renvoie à l'histoire personnelle. Il renvoie aux racines qui parlent de l'histoire personnelle qui a constitué la personnalité. On lit un peu pour retourner sur sa propre histoire, pour retourner sur son passé, pour chaque fois repartir à la recherche de ses racines. Et je travaille comme coursier. C'est-à-dire que je passe entre les différents services, je distribue le courrier intérieur. Vous venez souvent à la bibliothèque ? Oui, souvent, oui. Maintenant, en plus, à peu près tous les midis, même presque. Et à la fois parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de se détendre. Je veux dire, dehors, c'est pas très, le paysage n'est pas très réjouissant dans les environs. Donc ici, c'est relativement agréable. En plus, ça, j'aime bien les bouquins et j'en emprunte assez souvent, oui. Oui, en fait, j'ai même pratiquement toujours un ou plusieurs bouquins de la bibliothèque en permanence chez moi, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a, je sais pas, il y a des bouquins de vulgarisation scientifique. Je sais que, par exemple, j'ai lu il y a pas très longtemps, enfin, j'ai relu, en fait, un bouquin que j'avais déjà lu auparavant qui s'appelait « Désastre de la vie et des hommes ». Bon, essentiellement sur les sujets que je connais pas du tout, j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Il y a des bouquins d'actualité plus généraux, enfin, actualité sociale, politique, des choses comme ça. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Bécoum Barbouze il y a pas très longtemps. Des livres d'histoire aussi, je lis. Et puis en roman, je lis beaucoup de science-fiction. Un peu de policier depuis quelques temps, mais surtout de la science-fiction. Je cherche pas la même chose, par exemple, quand je lis un bouquin de science-fiction ou un bouquin d'histoire. Bon. Science-fiction, bah, je sais pas, ça fait très longtemps que j'en lis. J'ai vraiment toujours été emballé par ça, parce que... Enfin, surtout la nouvelle science-fiction, je veux dire, pas tellement l'aspect cosmonaute qui va tuer des... les monstres verts dans l'espace, mais je veux dire tout ce qui est... Ça, ça permet d'avoir du recul par rapport à ce qu'on vit, je trouve. Surtout toute la nouvelle science-fiction, c'est une façon de poser des problèmes qui est en général très différente, de voir des sociétés différentes, donc de remettre en cause des trucs qui peuvent paraître évidents à première vue. Sinon en histoire, surtout parce que je m'aperçus que j'avais très très peu de connaissances en histoire, et donc j'essaie d'en relire un peu plus. En plus c'était très souvent l'histoire, bon, comment on apprend à l'école, c'est-à-dire bon, les batailles, trucs comme ça. Alors je lis un peu plus qu'il y a pas mal ici, c'est-à-dire des mémoires, des trucs plus correspondant plus au vécu, quoi, des choses qui ont été vécues. Pourquoi cette volonté de recul par rapport à la réalité dans laquelle vous êtes? Bah, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, quoi. Parce que, oui, en plus je pense que perdu du temps, on est tellement... Moi, je lis des journaux, j'écoute la radio, bon, je veux dire, on est tellement noyé dans ce qui se passe vraiment au jour le jour que je pense que le seul moyen de se comprendre un petit peu, quoi, c'est de se détacher. Bon, en plus, la science-fiction, c'est aussi un aspect quand même distraction. Je veux dire, c'est à la fois un moyen de recul, de réflexion, mais en plus, en restant quand même moins austère qu'un bouquin d'économie, quoi, qui peut être intéressant, mais qui est un peu coriace. Quand on bosse 8 heures par jour, ça limite déjà pas mal. Et puis, bon, bah, il y a en plus le fait que je suis des cours, en plus des cours du soir, de formation professionnelle, bon, qui est aussi très prenant. Bon, il y a déjà le fait d'être présent au cours, bon, en plus les bosser après chez soi, qui fait que ça limite pas mal. Bon, ça, au point de vue temps, c'est évident qu'il y a vraiment de gros problèmes. Je veux dire, il suffit que je me trimballe dans une librairie ou une bibliothèque, j'aurais vraiment tendance à prendre une dizaine ou une vingtaine de bouquins. Alors qu'en fait, il y a même des livres que j'ai chez moi, que j'ai achetés, que j'ai jamais lus, parce que jamais eu le temps. Non, sinon, c'est vrai qu'il y a une coupure assez grande entre ce que je peux lire d'un point de vue intérêt professionnel, qui sont vraiment des bouquins de cours, pratiquement des bouquins de formation très précises, et ce que je peux lire en dehors, qui, à mon avis, aura relativement peu d'influence sur mon activité professionnelle proprement dite. Vous avez suivi des études jusqu'à quel âge ? Oh, jusqu'à 22 ans. Vous avez donc été à l'université, non ? Oui, j'ai fait un début de fac, puis j'ai arrêté assez vite. Et qu'est-ce que vous avez comme diplôme ? Le bac. Vous avez le bac ? Ouais. Et vous êtes coursier pour l'instant ? Oui. The way they say. I give you a loaf of sugar. Tilt my womb till it runs. Annie Leclerc, parole de femme. Comme il m'est difficile de parler. C'est une parole si neuve que je désire que mes doigts se tordent et se serrent. Ils sont drôles. Mes doigts, on dirait qu'ils pétrissent la glaise de mon désir pour en faire de petits bonshommes de mots tout neufs. Rien n'existe qui ne soit le fait de l'homme, ni pensée, ni parole, ni mot. Rien n'existe encore qui ne soit le fait de l'homme. Pas même moi, surtout pas moi. Inventer une parole de femme, mais pas de femme comme il est dit dans la parole de l'homme, car celle-là peut bien se fâcher, elle répète. Toute femme qui veut tenir un discours qui lui soit propre ne peut se dérober à cette urgence extraordinaire. Inventer la femme, c'est une folie, j'en conviens, mais c'est la seule raison qui me reste. Actuellement, je suis agent technique. C'est-à-dire que je fais du réglage d'ensemble. Et vous venez souvent à la bibliothèque ? Eh ben, je n'y venais pas tellement souvent et je suis revenu depuis, disons, à peu près un an. Je cherche peut-être à m'instruire un peu plus sur des sujets qui m'intéressent maintenant qu'avant. J'habite assez loin et je ne peux pas lire dans le métro parce que je prends ma voiture. Le soir, j'ai du travail chez moi, donc je lis pendant, disons, une demi-heure tous les midis. Pendant les vacances, je lis peut-être des romans, oui, c'est nécessaire pour s'évader. Et le midi, non, c'est plutôt axé sur quelque chose de pratique, de livres de jardinage, par exemple, ou de choses dans ce genre-là, vous voyez, de bricolage, par exemple. Well, I hear my train coming, hear my train coming, hear my train coming. Comment procéder pour bien maçonner? Il est facile de maçonner, contrairement à ce que l'on peut en penser a priori. On apprend très vite à maçonner et il suffit d'un matériel restreint. Quelques conseils pour bien maçonner. Bien mélanger les ingrédients. Il est plus facile de préparer le mortier sur un sol stable. On choisira donc une dalle de ciment, un sol de terre battue ou on recouvrira la terre avec une tôle, etc. Prévoir les volumes à préparer. Un débutant ne se rend jamais bien compte du volume de ciment nécessaire. Généralement, il n'en prépare pas assez. Avant d'acquérir l'expérience, calculez et mesurez les volumes indispensables. On lit des livres pratiques. Ne rions pas trop vite. C'est aussi une forme de lecture. Une forme de lecture qui tranche, bien sûr, avec cette lecture d'un auteur de A à Z, dont nous parlions hier. Mais une forme de lecture qui invite à la consultation d'un livre. Consulter un livre, c'est un peu le désacraliser. Accepter de ne pas le lire de la première à la dernière ligne. C'est sans doute un apprentissage de l'utilisation du livre. Mais la bibliothèque fait l'objet de l'attention attentive d'une commission faite de travailleurs, de syndicalistes, CGT, CFTC, que nous avons réunis. Comment font-ils vivre leur bibliothèque ? Au travers du choix que l'on pouvait faire des livres, et à savoir l'édition, est-ce qu'on ne faisait pas finalement que reproduire le schéma culturel dominant ? Alors, c'est certainement vrai pour une part, mais d'autre part, on s'imagine, j'imagine personnellement, difficilement, comment essayer du moins de faire, d'avoir l'amorce d'une prise de conscience des travailleurs sans qu'ils puissent accéder à la lecture. Maintenant, ce que la lecture apporte dans la vie des gens, eh bien, je crois qu'il n'y a qu'à constater ce qu'il se passe très régulièrement à la bibliothèque, à savoir tous les midis. Il y a ici un certain nombre de personnes, entre 100 et 150 personnes, qui tous d'ailleurs n'en prennent pas des livres, qui se retrouvent à la bibliothèque. C'est un lieu de rendez-vous, de réunion finalement. Au travers de ce lieu de réunion, bon, il y a des dialogues, des échanges, il y a un certain nombre de choses qui sont dites, d'idées, ce qui permet aux gens de se connaître, de parler de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voudraient connaître, et à mon avis, ça, c'est déjà important. Ça, c'est sur le lieu de l'entreprise. Maintenant, tout ce que peuvent acquérir les gens par la lecture, évidemment, ça peut être très nuançable. C'est nuançable parce que il est bien évident que, suivant le contenu de ce que l'on peut lire, les choses qu'on lit nous apportent plus ou moins. Mais il est certain que, de toute façon, le fait même de lire contient en soi le désir de lire davantage, du moins il me semble, et c'est très important pour l'avenir des travailleurs. Ce qui fait que les gens agissent, à notre avis, agissent sur leur vie sociale, agissent sur leur vie en général d'ailleurs, c'est leurs idées. Et les idées qu'ils peuvent recueillir, bon, on peut les recueillir soit effectivement par de l'audiovisuel, par du cinéma, mais on peut les recueillir aussi dans les livres et dans la lecture. Et effectivement, si on arrivait à développer la lecture d'une façon importante, cela créerait obligatoirement une richesse d'idées et un débat d'idées qui amènerait à faire réfléchir les gens et qui amènerait à les faire agir ensuite pour transformer leur vie, parce que sans aucun doute ils aspireraient à de nouvelles choses, ils aspireraient à vivre mieux, ils aspireraient à connaître toujours davantage, et cela les amènerait à agir plus. Mais malheureusement, actuellement, Il est vrai que, étant donné qu'on rencontre des difficultés à développer la lecture, il ne me semble pas que ce soit malheureusement un des moyens les plus importants. C'est vrai que c'est un des moyens importants. Cela fait partie intégrante du débat d'idées et de la bataille des idées. CFTC, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle on puisse changer vraiment les idées des gens. La meilleure preuve, je crois, c'est, puisqu'on parle de lecture, on pourrait parler aussi du journal, le journal matinal. Dans le fond, le journal matinal est une lecture. Or, on s'aperçoit quand même que les gens achètent bien leur journal avec leurs idées. Je ne pense pas qu'on ait vu beaucoup de personnes changer d'idée. Si on les voit changer d'idée, ils vont changer de journal le matin. Mais en principe, quand ils ont une idée bien établie, ils gardent toujours leur même journal. Et faire changer l'idée des gens, c'est très difficile. On sait pertinemment, bon, il y a certaines personnes qui ont évolué par la lecture. Il y a déjà un certain temps, j'ai vu même quelqu'un qui avait lu pas mal de choses sur la religion et qui, de ce fait, n'était non-croyant, si vous voulez, s'était mis à la religion catholique. Bon, ça, c'est peut-être un exemple d'une personne qui a été influencée par sa lecture. Mais je crois que les cas doivent être très, très rares et je pense que les gens lisent surtout beaucoup pour une instruction personnelle. C'est-à-dire, ils aiment bien, par exemple, quand on dit, tiens, le Goncourt est sorti, par exemple, bon, ben, les gens qui lisent aimeraient lire le Goncourt. Pourquoi ? Pour se rendre compte ce que c'est, si vous voulez. Mais c'est pas pour ça que ça leur changera, à mon avis, leurs idées personnelles. Bien sûr, ce qu'on lit à l'entreprise reproduit d'une certaine façon ce qui se lit ailleurs. Il n'y a pas de contre-culture à l'entreprise. Parfois, il est vrai, les syndicalistes recherchent les livres efficaces, ceux qui changent les idées, ceux qui transforment les consciences. On n'avoue peut-être pas l'effet de ce qu'on lit, sans doute parce qu'on n'accepte pas d'être vulnérable. Mais face à sa glace, chacun sait bien ce que vaut l'aune de ses convictions, et le poids d'un livre parfois pour les modifier. Changer les idées avec les livres. Sans doute, à travers un inconscient sédimenté, le livre, en profondeur, pénètre et vient confirmer telle ou telle expérience qu'on n'avait pas voulu analyser. Elle infirmait des convictions auxquelles on tenait. Ce qui transforme, c'est peut-être plus la manière dont le livre parle, la façon dont il s'adresse au lecteur, dont il prend en compte le vécu de ce lecteur. Pour transformer les consciences, il faut trouver cette relation privilégiée entre la vie et les livres, renouer ce lien par la parole. La parole qui investit le lecteur dans le livre. Aimer un livre, c'est le lire et aussi le relire. Écoutons cette femme, cette travailleuse, qui relit La Dentelière. Et j'ai aimé particulièrement simplement le nom du jeune homme qu'elle va rencontrer par rapport à elle qui s'appelle Pomme, un nom tout simple, c'est un surnom qu'elle a de par sa physionomie, son physique, son visage rond. Lui s'appelle Emery de Béligné. Alors rien que ce nom contraste vraiment avec la simplicité de cette fille qui est vraiment le contraire de quelqu'un d'important, de quelqu'un de sophistiqué. Et lui, justement, ce nom à rallonge lui va très très bien parce que c'est un gars qui vit uniquement dans l'avenir, qui a beaucoup de projets et qui ne sait pas apprécier le temps présent avec elle. Il va passer à côté d'elle vraiment sans pouvoir la voir réellement telle qu'elle est. Bon, alors page 176, c'est la fin du livre. On s'aperçoit que Pomme est dans un asile psychiatrique parce qu'elle elle a été délaissée. On l'a laissée tomber, donc ça l'a beaucoup frappée, étant donné que c'était quelqu'un de très sensible, de très vulnérable, justement parce qu'elle n'avait pas aucune défense, puisqu'elle était vraiment nature. Et le gars, là, je ne sais plus comment il s'appelle, croyait que lorsqu'ils étaient sortis ensemble, lorsqu'il lui parlait, que pour elle, elle n'était pas du tout attentive, elle ne s'intéressait à rien, mais pas du tout, puisqu'à la fin, elle lui en reparler. Alors c'est ce passage que j'ai aimé. Alors, je lui ai demandé si elle ne sentait pas trop impatiente, pas trop malheureuse d'être ici. Elle m'a dit que c'était la première fois que je lui posais une telle question. Elle devait avoir raison. Mais pourquoi ne se souvenait-elle si bien de moi, de nous ? Elle me rappela des promenades que nous avions faites ensemble autrefois. Ses souvenirs étaient d'une extraordinaire précision. les ex-voto de la chapelle, les navires qui passaient l'histoire de Guillaume le Conquérant. Moi qui l'avais cru indifférente et distraite. Tout cela avait donc compté pour elle. Je fus saisie d'un insupportable sentiment de culpabilité, comme si sa folie, sa maigreur, son emprisonnement, c'était moi qui les avais faits. J'ai tâché d'annuler cela en la faisant parler des hommes qu'elle avait connus après moi. Elle m'en a dit plusieurs. Elle m'a raconté d'autres chambres, avec eux, et d'autres promenades, et même des voyages qu'elle avait faits. La Grèce. Tu ne connais pas la Grèce ? J'étais jusqu'à Salonique, tu sais. Alors mon angoisse d'avoir été peut-être le seul s'est atténuée. La dentelière m'a considérée pendant quelques secondes avec un sourire d'une tendresse presque maternelle. Il m'a semblé qu'elle avait deviné mon angoisse et qu'elle avait pitié de moi. Lire ainsi, c'est un peu réécrire. Pascal Lainé réécrit à la Thomson, pourquoi pas. Au terme de ce voyage dans les coulisses de deux bibliothèques d'entreprise, nous n'avons sans doute pas rencontré de lecteurs très différents des autres. Le pire côtoie le meilleur, la richesse et la pauvreté. Mais ces lecteurs n'ont pas souvent la parole. Nous avons tenté de la leur rendre. Ils l'ont prise, parfois par-delà nos schémas et nos idées toutes faites. La réalité est toujours plus riche que ce qu'on en dit. Swallow up some TV dough. Swing my hammer strong and deep. Antoine Speer, Georges Bonopéra, Mehdi Elhadj, lecture volée. Cette nuit magnétique a été diffusée la première fois le 29 mai 1979 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.